إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le compte 91 dans l'explication du livre de Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah. Et on est rendu, donc, comme je disais, au cours 91. Peut-être qu'au 91 c'est beaucoup, hein. Dans le sens qu'on a tellement fait de cours, peut-être on a oublié le sujet du livre. Puisqu'on a commencé, ça fait tellement longtemps. Il y en a des fois qui perdent le fil. Surtout que c'est un livre d'Ibn Taymiyyah qui est vraiment... Ibn Taymiyyah, comme on sait dans ses livres, il va jusqu'au bout de l'argumentation pour établir son point. Et il va mentionner tout ce qui a été dit sur le sujet. Donc là, il mentionne des preuves et des preuves et des preuves. Ça fait beaucoup, hein, ça fait déjà beaucoup de preuves qu'on a mentionnées sur l'interdiction d'imiter les koufars. On est à la fin de la partie où il établit les preuves du Coran et de la Sunna. Inch'Allah, on va essayer de finir ça aujourd'hui. Le cours prochain, Inch'Allah, ce sera les preuves de l'ijma'. Après avoir établi les preuves du Coran, après il passe à la Sunna, les preuves de la Sunna. Là, on a lu des hadiths et des hadiths et des hadiths, plein de hadiths sur ce sujet-là. Au dernier cours, on a terminé avec la question du Hajj et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché à se distinguer des mouchriquins durant le Hajj. Maintenant, on va mentionner d'autres exemples, encore une fois, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'imiter les koufars dans plusieurs choses, dans les ustensiles, les choses qu'on utilise, hein, dans les décorations de la maison, des choses comme ça. Et même dans les vêtements, comment on s'habille, on doit se distinguer des koufars. Donc, on va voir ça, et après, il va mentionner les preuves de l'ijma. Et l'ijma, c'est le consensus des sahaba, le consensus des salaf, et ainsi de suite. Donc, c'est pour rappeler donc, dans quel contexte, où est-ce qu'on est rendu. Et donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, « Wa mahallu shahid tarku tashabbuh bil mushrikin, wa anna al-ifada min arafat » قبل غروب الشمس فيه تشبه قد نهينا عنه. Donc il explique que ici qu'est-ce qu'il voulait mentionner par rapport au Hajj, c'est qu'on n'a pas le droit d'imiter les mushrikins, et que al-ifada, le fait de déferler, de quitter Arafat, ça doit être fait après le coucher de soleil, et de déferler avant le coucher de soleil, il y a une imitation des mushrikins. C'est-à-dire, si tu quittes Arafat et tu t'en vas à Muzdalifa avant le coucher de soleil, c'est-à-dire là, tu imites les mushrikins. C'est pour ça que tu dois pas partir à ce moment-là. On a été interdit de faire ça. Après, il dit, « Wa aydan fa'an Hudhayfat ibn al-Yaman, et Hudhayfat ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tashrabu fi aniyati al-zahbi wal-fidda, wa la ta'kulu fi sihafihima, fa innaha lahum fi al-dunya, وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc, ça c'est un hadith rapporté selon Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ne buvez pas dans les contenants d'or et d'argent, et ne mangez pas dans les assiettes ou dans les plateaux d'or et d'argent aussi. » parce que ils sont pour eux, c'est-à-dire pour les mouchtikines, dans cette dunya, et ils sont pour vous dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le paradis, inshallah. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ce hadith, donc il est authentique, et c'est pour mentionner qu'on n'a pas le droit de manger ou de boire dans des contenants qui sont en or ou en argent, et que ça c'est d'imiter les kuffars et les mouchtikines. Et il explique, il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, وموضع الشاهد مما ذكر مما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في هذه المواضع وأفاد حديث الشرب نوعا آخر من الأمور التي نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب فيها حيث نهينا أن نأكل أو نشرب في صحاف الذهب والفضة فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا دليل على تحريم التشبه بهم في هذا الصنيع أي اتخاذ أواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيكون هذا علة في التحريم وعلاوة على ما في ذلك من الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما ذلك أيضا وما في ذلك أيضا من تضييق العملة على المسلمين إلى غير ذلك من الأسرار التي ينطوي عليها هذا المنهي هذا النهي هذا النهي. Donc le cheikh il explique que il voulait mentionner donc les différents points qui ont rapport avec le fait de contredire les mouchrikins et les choses dans lesquelles le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé ou a mentionné qu'on doit se distinguer des mouchrikins. Et il mentionne également ici que le fait de yani, le hadith qui parle au sujet de boire et de manger, eh bien, il nous mentionne aussi que même dans ces choses-là, on a été interdit d'imiter les gens du livre ou les autres mouchriquins, et il nous interdit de manger et de boire dans des contenants, dans des assiettes d'or et d'argent. Et il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, c'est pour vous, hein, c'est pour eux dans cette dunya, c'est pour vous dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le paradis, les croyants vont manger avec des choses, des ustensiles, des verres, des assiettes qui sont en or et en argent. Donc ça, c'est pour les croyants dans le paradis, inshallah. Hein, on espère qu'on sera là, hein, qu'on pourra manger dans ça aussi, inshallah, dans le paradis. Mais pour les mouchriquins, dans la dunya, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais pas nous, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, c'est pour nous interdire d'imiter les mouchriquins dans ces choses-là. Il dit, dans le fait de prendre des contenants ou des ustensiles d'or et d'argent pour manger et pour boire, il y a des raisons, hein? Il y a des raisons pour l'interdiction. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a interdit quelque chose, il y a toujours une sagesse derrière. Il y a toujours une raison. Parfois, on connaît la raison, on arrive à découvrir cette sagesse et à la comprendre. Parfois, ça arrive qu'on ne peut pas le comprendre. Mais ici, on est capable de comprendre certains points qui nous montrent la raison de cette interdiction-là. Et donc, il dit, par exemple, le fait qu'il y a dans ça de l'extravagance et de l'outrance, hein, le fait d'exagérer dans la fierté, le luxe et des choses de ce genre. Et aussi le fait que ça brise le cœur des pauvres quand ils voient ça. Des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien à manger, toi, tu manges dans des assiettes en or. Imaginez, même, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, ils ont fait même un bol de toilette en or solide, c'est-à-dire en vrai or. Imaginez, subhanallah, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est du gaspillage. Et ça, c'est sans mentionner les idoles des mouchriquins qui sont en or massif. Et les mouchriquins qui se prosternent devant ça, des temples construits en or, des choses de ce genre. Tout ça, c'est du gaspillage. Et il dit ça également, qu'est-ce que ça fait, ça? Hein? Ça affaiblit également, ça rétrécit la monnaie des musulmans. Parce que les musulmans, leur monnaie à la base, c'était de l'or et de l'argent. Ad-dinar, c'est en or, et ad-dirham, c'est en argent. Il a ghayri dhalika min al-asrar. Il y a d'autres secrets également qui découlent de cette interdiction-là. C'est pour ça que des fois on dit on peut connaître la sagesse, des fois on peut pas nécessairement la comprendre, mais on peut en connaître une partie. Il dit لكن من أبرزها ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها لهم يعني الكفار في الدنيا يستعملونها وليس معنى ذلك أنها مباحة لهم وإنما هو تجرأوا عليها واستعملوها والنهي هنا يشمل استعمال أكواب وصحون الذهب والفضة وكذلك تهذيب الأبواب والسقوف وما أشبه ذلك من طلي مقود السيارات أو المفاتيح لأن هذا من الكبر والبذخ والإسراف وإنفاق المال فيما لا طائل فيه وأما ما كان غير الذهب والفضة فكالألماس والأحجار الكريمة فيبقى على أصل الإباحة. Donc le cheikh il explique que parmi les raisons les plus ou les raisons les plus apparentes pour l'interdiction, c'est ce qui a été mentionné textuellement dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que pourquoi on ne doit pas manger dedans, parce que c'est pour eux les kuffars dans cette dunya, c'est-à-dire eux ils vont l'utiliser. Et ça ne veut pas dire que c'est permis pour eux, mais c'est juste que ils ont l'audace de l'utiliser, et l'affront de l'utiliser. Et donc l'interdiction ici comprend le fait d'utiliser des contenants, des verres ou des assiettes en or et en argent, de même que de créer ou de fabriquer des toits ou des portes en or, ou également des volants de voitures ou des clés en or ou des choses de ce genre. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont toutes sortes de... quand ils ont beaucoup d'argent, ils ne savent plus quoi faire avec. Et donc, tout ce qui leur passe par la tête, ils décident de le faire. Et donc, ils veulent faire, par exemple, des volants de voiture, des câbles de roue en or ou des trucs comme ça. Et tout ça, ça fait partie de l'arrogance et du gaspillage. C'est de dépenser de l'argent dans des choses qui n'ont aucune utilité. Et en ce qui concerne les autres choses, autres que l'argent et l'or, comme par exemple les diamants, les pierres précieuses, ça reste à la base de ce qui est permis. Al-aslu fil ashiya al-ibaha. À la base, les choses sont permises, sauf s'il y a un texte pour les interdire. Ah, les diamants, les pierres précieuses, ça c'est correct. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit. C'est-à-dire un bol, tu mets des diamants dessus et tout. Bon, c'est aussi du gaspillage, mais bon, il n'y a pas une interdiction textuelle. Un hadith qui interdit de le faire. Le cheikh dit « وَعَنْ جُبَيْرِ بْنُ نُفَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيَّ ثَوْبَيْنْ مُعَصْفَرَيْنْ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسْهَا رواه مسلم وعلل النهي عن لبسهما بأنها من ثياب الكفار سواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب Donc ici, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il rapporte un hadith selon Jubayr ibn Nufayr, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu sur moi deux vêtements qui ont été colorés avec un colorant, comment on appelle ça? Al-Mu'asfar, c'est un genre de colorant qu'on utilise pour colorer les vêtements. Je pense que c'est jaune. C'est quoi? C'est ça, comme du safran. Donc, il a été coloré en jaune. Et il a dit, ça c'est les vêtements des kuffars, ne les porte pas. Ça c'est rapporté par muslim. Et probablement, moi je ne sais pas, Allahu A'lam, mais je pense que c'est comme les vêtements un peu comme ceux des bouddhistes. ils se font des vêtements comme ça, orange, jaune, dans cette couleur-là, ou bien rouge. Il a dit, ne porte pas ces vêtements-là, ça c'est les vêtements des kuffars. Et ça c'est rapporté, comme j'ai dit, par l'imam Muslim. Il a dit, la raison de l'interdiction qui est mentionnée dans le hadith ici, c'est que ça fait partie des vêtements des kuffars. Il dit soit que c'est parce que c'est ce que les kuffars se permettent, ou bien qu'ils jouissent de ça dans la dunya, ou bien c'est des choses qu'ils ont pris l'habitude de porter. Et il dit que, dans ce hadith, il dit, c'est comme dans le verset, plutôt dans l'autre hadith, quand il dit, ils jouissent de ces contenants en or et en argent dans la dunya, et c'est pour les croyants dans l'au-delà. Il dit donc que les ulama, ils mentionnaient que le fait de prendre de la soie et des vêtements en or et en argent, ça c'est une imitation des kuffars aussi. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, هذا الحديث يدل على تحريم التشبه بالكفار في ملابسهم بل حتى لون الملابس فإذا اتخذ الكفار لونا خاصا لملابسهم فلا يجوز للمسلم أن يتخذ مثله حتى لا يقع التشبه المحذور ومعنى المعصفر يعني هو المصبوغ بالعصفر مما يجعله لونا خاصا غير اللون المعتاد في الثياب. Donc le cheikh il dit que ce hadith indique que il est interdit, il y a l'interdiction d'imiter les kuffars dans leur façon de s'habiller et même dans la couleur des vêtements. Puisque il dit que les kuffars, ils ont pris par exemple parfois des vêtements spécifiques pour s'habiller par lesquels ils se distinguent. Et donc les musulmans dans ce cas-là n'ont pas le droit de s'habiller de cette façon-là eux aussi. Pour ne pas qu'il y ait cette imitation qui est interdite. Et la signification de al-mu'asfar, c'est les tissus qui ont été teints par qu'est-ce qu'on appelle al-asfar, al-usfur, si je ne me trompe pas. Il dit ça fait partie de, il dit que c'est la couleur qui par lesquelles on teint certains vêtements et que c'est une couleur qui n'était pas utilisée habituellement pour teindre les vêtements. Il dit wa qawluhu 'allala an-nahya عن لباسها أو عن لباسهما بأنها من ثياب الكفار أي أن النهي علل النهي بأنها من ثياب الكفار فقوله إنها من ثياب الكفار هو علة النهي فدل على أن ثياب الكفار الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في لبسها بحيث أن الرائي لا يستطيع أن يميز بين المسلم والكافر لتشابه لباسهما أو لبسهما وعليه فالذين يلبسون ثياب الكفار عند السفر إليهم بلا حاجة تقتضي ذلك فإنما وإنما رغبة في التشبه بهم لا يجوز فعلهم هذا. Donc le cheikh il dit que le hadith, il mentionne comme raison de l'interdiction de porter leurs vêtements que c'est les vêtements des kuffars. C'est-à-dire, c'est ça la seule explication de l'interdiction. Et c'est la preuve donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit ces vêtements-là parce que ce sont les vêtements des kuffars. Et il dit donc, c'est ça la raison de l'interdiction. Et donc ça, c'est la preuve que les vêtements qui sont spécifiques et particuliers aux kuffars, il n'est pas permis pour les musulmans de les porter, puisque ce sont leurs vêtements particuliers. C'est juste eux qui portent ça. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas permis de leur ressembler dans ces vêtements-là et dans cet habillement-là, de façon à ce que la personne qui vous voit, il ne sera pas capable de distinguer entre le musulman et le non-musulman à cause de la ressemblance dans les vêtements. Et donc, de cette manière, le cheikh il dit, ceux qui portent les vêtements des kuffars lorsqu'ils voyagent vers chez eux, et qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de besoin de le faire, excepté que la personne elle a le désir de leur ressembler, il dit, dans ce cas-là, ce n'est pas permis pour eux de le faire. Et par exemple, des vêtements qui sont spécifiques aux kuffars, les ulama, ils ont mentionné par exemple les vêtements des prêtres. Le prêtre, il a un habit qu'il porte, il met un col blanc ici, quand tu le vois, tu sais tout de suite que c'est un prêtre. Si tu vois le musulman qui porte ça, tu vas dire, Pourquoi tu t'habilles comme un prêtre? Ou bien comme les moines bouddhistes, par exemple, qui portent leur habit, là. Ils ont leur habit spécial. La couleur, c'est connu. Tu t'habilles comme ça, les gens vont... Hein, ils vont penser que tu es un moine bouddhiste. Ils vont te demander pourquoi tu t'habilles comme ça. Ça, c'est le vêtement des koufars et des mouchriquines. Donc, ce n'est pas permis de s'habiller comme ça. Il y a des choses comme ça spécifiques. Oui, les juifs avec la kippa, le vêtement, tu sais. Si tu t'habilles, que tu rentres dans la mosquée habillé comme ça, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu t'es trompé, hein? Ce n'est pas une synagogue ici. Donc, c'est pour ça que je te dis, donc, ça, ce n'est pas permis, le musulman, de s'habiller comme ça. Le kimono? C'est sûr que ça fait partie des vêtements des gens qui ont une autre religion que l'islam. Hein? C'est que le kimono, ça fait partie de la culture des Japonais en général. Puis les Japonais sont souvent à la base, ils étaient soit des bouddhistes ou des gens qui ont d'autres philosophies, le confucianisme, hein, ou d'autres philosophies comme ça. Naam. Donc ça fait partie de leur culture à eux, c'est des choses qui sont basées sur le shirk. Donc le musulman, il va pas s'habiller comme ça. Naam. Il dit wa qawluhu innahum yastamti'una bi aniyati adh-dhahabi wal-fiddati fi ad-dunya hadha dalilun 'ala annahum akhadhuha wasta'maluha li ajli ar-rafahiyyah wat-takabbur. Fa hiya min al-mut'ati ad-dunyawiyyati وهي قاصرة عليهم وقوله ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار المقصود أن الكفار لا يتقيدون بحلال ولا حرام أما المسلم فإن له ضوابط يسير عليها حددها الشارع فالأصل في الملابس والمآكل والمشارب الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان من خواص الكفار فإننا نتجنبه منعا للتشبه بهم. Donc le cheikh il dit ensuite, donc la parole de Cheikh l'Islam, quand il mentionne le hadith, il dit dans le hadith qu'il jouissait des contenants en or et en argent dans la dunya. Hein, les mouchriquines, ça c'est la preuve qu'ils les prenaient, hein, et ils les utilisaient pour, comme divertissement et comme signe d'arrogance et de fierté pour montrer leur richesse et leur opulence. Et donc, ça fait partie de, c'est des choses qu'ils utilisent pour ces raisons-là, pour la jouissance dans la vie d'ici-bas et dans la dunya. Et il dit, ça c'est quelque chose qu'ils avaient spécifiquement chez Yanni. C'est quelque chose spécifiquement pour eux dans la dunya, parce que c'est eux qui utilisent ça. Il dit wa qawluhu wa li hadha kana al ulama yaj'aluna ittikhadh al harir. Il dit c'est pour ça que les ulama ils faisaient du fait de porter de la soie ou d'utiliser des vêtements d'utiliser des contenants en or et en argent, que ça faisait partie de la ressemblance aux kuffar. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les kuffar, ils ont aucune restriction dans qu'est-ce qui est halal ou haram. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Tandis que le musulman, non. Il a des principes qu'il suit, qu'il respecte, qui sont déterminés et délimités par le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à la base, les vêtements, les boissons, les choses qu'on mange, tout ça c'est permis à la base. Al-aslu. Fil malabis, wal ma'akil, wal masharib, al-ibaha. Ça, c'est un principe dans la charia. C'est un des principes de la charia de l'islam, que tout est permis à la base. Dans les vêtements, dans la nourriture, dans qu'est-ce qu'on boit, c'est tout est halal, tout est permis, sauf s'il y a une preuve pour indiquer que c'est haram. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est haram? C'est quelques éléments qui sont spécifiques. Sinon, la grande majorité des choses qui existent, qu'Allah a créées, c'est des choses qu'il a créées qui sont permises. Mais il y a quelques-unes parmi ces choses qu'il a créées, hein, qu'il a interdites. Et pour savoir qu'elles sont interdites, on doit retourner à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna, puis là on va savoir qu'est-ce qui est haram. Et donc c'est basé sur les textes. Donc il faut qu'on ait une preuve pour dire que c'est haram, pour savoir si c'est haram. Et il dit أو كان من خواص الكفار. Donc soit qu'il y a un texte explicite qui clarifie que cette chose-là est interdite, ou que ça fait partie des choses qui sont spécifiques aux kuffars. Alors dans ce cas-là, on doit s'en écarter pour éviter de leur ressembler. Ensuite, Cheikh al-Islam, il continue, il dit وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْهِنْدِي قَالْ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرْ رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة ابن فرقد يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك من كد أمك يعني أمك فأشبع المسلمين من رحالهم فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياك والتنعم في زي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعين الوسطى والسبابة وضمهما وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق السفر والرصاص فلم يدخله وقال من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ آخر رأى شيئا من زي العجم فخرج فقال من تشبه بقوم فهو منهم وقال علي ابن أبي صالح السواق كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس وفي رواية صالح إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من منكر من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال بنا القول. Donc on va lire qu'est-ce qui a été mentionné ici, des paroles, qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné, puis on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan après. Le premier hadith c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith qui est rapporté selon Abi Uthman Al-Hindi. Il dit que Omar ibn al-Khattab nous a écrit alors que nous étions à Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, c'est près de l'Iran, hein, dans le coin de l'Iran, dans ces régions-là. Naam, dans la Perse à l'époque. Et les musulmans donc ont conquis ces régions. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de conquérir ces régions-là et d'établir l'islam là-bas. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il a écrit une lettre. Hein? Il dit, nous étions à Azerbaïdjan avec Utba ibn Farqad. Peut-être que c'était lui qui était le responsable de cette région. Et donc, il lui envoie une lettre à l'époque parce que c'était lui le khalifa. Donc, il envoie à ses ministres ou à ses gérants, hein, ceux qui s'occupent des différentes régions des pays musulmans, il leur envoie des lettres pour leur donner des conseils, des consignes, des choses, des ordres, des choses comme ça. Et là, il dit dans la lettre, « Ya Utba ». Oh Utba, c'est pas de min kaddika, al kadd. Je vais voir, juste pour vérifier le terme kadd. Hein? comme si en voulant dire, ça ne fait pas partie de ton, l'exemple de ton père ou bien de ta mère, d'agir d'une façon comme tu le fais. Nourris les musulmans que les musulmans se nourrissent de ce qu'ils ont dans leur maison. Et de ce que toi, tu remplis ton ventre dans ta maison. Hein? Nourris les musulmans dans leur maison de ce que toi, tu manges dans ta maison. Et fais attention d'essayer de pas essayer de te remplir de toutes sortes de bonnes choses de la dunya, des bonnes grâces de la dunya, et de porter les habits et les modes des gens du shirk et de porter de la soie. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter de la soie, excepté ceci, et il a levé deux doigts. Il a dit le petit doigt et le doigt du milieu, et il les a collés ensemble. Donc il a dit, il a interdit d'utiliser de la soie, excepté cette portion-là, ou cette quantité-là. Et après, il a dit, c'est rapporté également par Al-Khalal, le compagnon de l'imam Ahmad, avec sa chaîne de transmission, selon Muhammad ibn Sirin, que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, est venu à une maison, et il a vu dedans Harisatan. Harisatan, Haris, je ne sais pas ici s'il veut dire des statues, ou bien des portiers, des gens qui sont à la porte. Je pense que c'est quelque chose, peut-être c'est ça ou quelque chose d'autre, on va voir. Et il dit, comment on dit une ibriq en arabe, en français, ibriq, c'est, non, ibriq, ben c'est comme un pot qu'on utilise pour verser quelque chose, hein, ibriq. Ouais, c'est ça, comme une jarre, oui, avec une poignée. Donc, c'était, il y en avait une en cuivre et une en plomb. Et quand il a vu ça, il n'est pas rentré. Il a dit, quiconque imite des gens, il est un des leurs. Et dans une autre narration, il a dit, il a vu des vêtements, la mode ou le style des vêtements des kuffars, alors il n'est pas rentré, il est sorti. Et il a dit, quiconque imite un peuple, il est un des leurs. Ensuite, il a mentionné une autre narration, c'est selon Ali ibn Abi Salih al-Sawwaq, il dit, nous étions dans une walima, donc une fête de mariage, et Ahmad ibn Hanbal est venu. Et quand il est rentré, il a vu une chaise, et sur la chaise, il y avait de l'argent. Hein, la chaise, il y avait de l'argent dessus. Alors, il est sorti, et la personne qui était propriétaire, c'était sa maison, il est parti pour poursuivre, poursuivre Ahmad ibn Hanbal, hein, pour lui dire comme si pourquoi tu pars, reste, hein, pourquoi tu veux pas rester. Et il a dit, c'est ça. Donc l'imam Ahmad, il a retiré sa maison, il a comme si poussé sa main de son visage, puis il a dit, ça c'est les vêtements des Majus, c'est les vêtements des Majus. Ou c'est le style des Majus, c'est les embellissements et les décorations des Majus. Donc ça c'est comme, il a désapprouvé de ce qu'il a vu. Dans une autre narration qui est rapportée, selon Saleh, il dit que si on a été invité quelque part, dans une invitation, que ce soit pour une fête de mariage ou pour yani une aqiqa ou peu importe, qu'est-ce qu'on a été invité pour quelque chose, une occasion, puis quand on rentre, on trouve qu'il y a quelque chose qui est interdit dans l'islam, comme par exemple de l'alcool, ou bien des contenants en or ou en argent, ou bien qu'on a couvert les murs avec des tissus, hein, des rideaux, des choses comme ça, yani on sort et on mange pas. On sort et on mange pas dans cette fête-là ou dans cet endroit-là. Et il dit que si on suivait l'exemple de ce qui a été mentionné, si on suivait ce qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et qu'est-ce qui a été également supporté dans le livre d'Allah à ce sujet, ce serait, hein, une longue parole à dire là-dessus. Il y aurait une longue parole à dire là-dessus. Naam. Avant de poser les questions, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Lui, il va donner des exemples, il va donner des détails. Puis, après avoir lu ça, si tu as encore des questions, là, tu pourras les poser, puis on va clarifier, Inch'Allah. De toute façon, là, de maintenant jusqu'à la fin du cours, ça va être juste pour expliquer qu'est-ce qu'on a lu maintenant. Donc, le cheikh, il explique, premièrement, il dit, « Qawluhu ya Utba ibn Farqad, innahu laysa min kaddika, min kaddi abik. » يعني يوجه عمر رضي الله عنه قائد الجيش عتبة بن فرقد بنصائح منها أن لا يختص بشيء دون من ولي عليهم من طعام أو شراب وإنما يساويهم بنفسه لأنه إنما ولي عليهم ليخدمهم ويقوم على حاجتهم ولا يستعمل الأثرة على من تولى عليهم وأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجوع حتى يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع ويمر الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار وكان يقول ولكن أشبع يوما وأجوع يوما والأصل في المسلم أن يكون متواضعا متزنا في إنفاقه من طعام وشراب فلا يسرف ولا يقتر لقوله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير صرف ولا مخيلة. Donc le cheikh il a dit à Utba ibn Farqad, c'était lui le chef de l'armée. Yani, c'est pas de ton habitude, de ton père, ni de ta mère. En voulant dire, il donne un conseil. Omar ibn al-Khattab, il envoie un conseil au chef de l'armée. Il lui donne des conseils. Il lui dit, ne te prends pas de la nourriture spécialement pour toi, ou bois pas des choses juste pour toi, puis, yani, tu gardes qu'est-ce qui est bon pour toi, puis tu donnes pas aux autres, à la population des... Qu'est-ce que tu manges toi? C'est-à-dire, fais en sorte que toi et ceux qui sont sous ton commandement, vous ayez la même nourriture. Et vous mangez et vous buvez la même chose. C'est-à-dire que tu mets tout le monde à égalité avec toi. Et pas que tu te prennes la meilleure nourriture pour toi, puis la meilleure boisson pour toi, le meilleur breuvage pour toi, des choses comme ça. Puis au reste, tu donnes le reste, les choses moins bonnes. Donc, tu ne vas pas te donner des privilèges sur ceux sur qui tu as le pouvoir. Il dit, ça, c'est, qu'est-ce qui est c'est ça notre exemple. Et c'est comme ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam agissait. Et des fois même, il ne mangeait rien. À un tel point qu'il avait tellement faim, il mettait des pierres sur son ventre à cause de la faim qu'il avait. Et des fois, il y avait un croissant et un autre croissant qui passait, c'est-à-dire 2 mois, et il n'y avait pas de feu qui était allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de cuisson. Il mangeait juste des choses comme ça. Donc 2 mois sans faire de cuisson dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, mais des fois j'ai faim. Des fois, je me remplis quand je mange, et un jour, je mange un jour, et l'autre jour, j'ai faim. Je mange pas, parce que j'ai rien à manger. Et donc, la base pour le musulman, c'est comme ça, d'être modeste et d'être équilibré dans la façon comment il dépense, dans la nourriture et dans qu'est-ce qu'il boit, et de pas exagérer, et de pas non plus se limiter trop à l'extrême alors que tu as les moyens. Donc tu dois être modéré. Tu vas pas tout retenir, puis tu vas pas tout dépenser entre les deux. Et il dit, mange et bois. Ça, c'est tiré d'un hadith rapporté par Tirmidhi selon Abi Umama. Il dit, mange et bois et porte des vêtements sans être extravagant et sans non plus être comme si tu veux être trop vantard ou te faire preuve de trop de fierté ou des choses comme ça. Il dit ensuite wa mahallu al-ishtihad huwa qawl Umar radiyallahu anhu wa iyyakum wa zay al-a'ajim yuhadhdhiru min at-tashabbuh bil a'ajim la siyama fi libasihim al-khass bihim wa hadha dalil ala annana manhiyun 'an at-tashabbuh bil mushrikeen fi umurihim al-khassa bihim wa 'alawatun 'ala man' at-tashabbuh bihim في أمور العبادة والسبب أن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبة في الباطن. Donc il dit que qu'est-ce qu'on veut tirer de cette parole de Omar ibn al-Khattab ici, c'est qu'il mentionne, il dit prenez garde aux vêtements et aux apparences des a'ajim, c'est-à-dire les kuffars. Et il avertit contre la façon dont les kuffars s'habillent et qui est particulière à eux. Et ça, c'est la preuve que nous, on n'a pas le droit d'imiter les mouchriquins dans qu'est-ce qui est particulier à eux, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de leur apparence. Et il dit que la raison de ça, c'est parce qu'on a été interdit de les imiter dans les affaires de l'adoration, en particulier, ça c'est encore plus grave, si c'est des questions qui ont rapport avec l'adoration, c'est encore plus grave. Et si c'est les vêtements que tu les imites dans leurs vêtements, ça va t'amener à leur ressembler même dans leur croyance par la suite. Et après, à les imiter même dans leurs adorations et à tomber dans le shirk par la suite. Et il dit le shirk que at-tashabbuh, la ressemblance aux mouchriquins et aux kuffars en apparence, quand tu cherches à leur ressembler extérieurement, c'est la preuve que à l'intérieur de toi, dans ton cœur, il y a de l'amour pour eux. Il y a de l'amour pour eux. Et c'est dangereux parce que cet amour-là pour eux, ça pourrait même devenir de l'amour pour leur religion par la suite. C'est-à-dire l'amour pour le shirk et le kuffre qu'ils font. Et ça pourrait par la suite te faire sortir de l'islam. Si tu commences à aimer le kufr et le shirk, ça y est, t'es égaré par la suite, t'es sorti de la foi. Donc il dit, وَقَوْلُهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَتَى بَيْتًا فَرَأَى فِيهِ أَبَارِيقَ الصُّفْرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى النَّهِي عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فحذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من زي العرب من زي العجم في هذا البيت انصرف ولم يدخله ثم روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع التشبه بالكفار والصحابة رضي الله عنهم هم أهل الإيمان والعلم لا يتساهلون في شيء من أمور الدين ولا يجارون أن لا يجارون الناس على حساب دينهم بل كانوا أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سادوا الدنيا وملكوها ولو أنهم تساهلوا في أمور الدين لن طمست معالم الإسلام وسننه ولا تسلط أعداء الإسلام على المسلمين وكان المسلمون taba'an lahum. Donc le cheikh il explique que ensuite il rapporte que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu est venu dans une maison. Il est arrivé devant une maison, il a vu des comment tu as dit tout à l'heure, des jarres avec des en cuivre et en plomb. Et il a dit ça c'est quelque chose qui indique que le cheikh il dit ça, c'est qu'est-ce qui indique que c'est pas permis d'imiter les kuffars. Il dit que Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est le compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a vu ces choses-là, qui sont des choses qui sont des apparences des kuffars, devant cette maison-là, il n'a même pas voulu rentrer dans la maison. Il a vu ça devant la maison, il a dit, bon, je rentre pas. Et ensuite, il a rapporté le hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne l'interdiction d'imiter les kuffars. Et donc, les sahaba, radiyallahu anhum, ils font partie des gens de la foi et des gens de la science. Et ils ne prennent pas ces choses de religion, qui sont des choses de la religion, ils ne les prennent pas à la légère. Hein? Et ils n'agissent pas avec les gens yani pour autre chose que pour les liens de la religion. C'est-à-dire, si par exemple, ils ont un intérêt avec des gens, ils ne vont pas passer cet intérêt qu'ils ont avec eux aux dépens de la religion. D'accord? Donc, c'est des gens qui s'accrochaient très fort à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de gouverner le monde et de posséder hein, ce monde. Mais s'ils auraient pris la religion à la légère, les enseignements de l'islam seraient disparus. Et les ennemis de l'islam auraient pris le dessus sur les musulmans, et les musulmans auraient été des suiveurs. Hein, des suiveurs des kuffars. Il dit, « وَقَوْلُهُ كُنَّ فِي وَلِيمَةٍ فَجَاءَ أَحْمَدِ بِنْ حَنْبَلٍ فَلَمَّا دَخَلَ نَظَرَ إِلَى كُرْسِيٍ في الدار عليه فضة فخرج الإمام أحمد حضر يعني حضر للدعوة فلما دخل رأى شيئا من المنكر وهو يعني تحلية الكرسي بالفضة فقال إن هذا من زي المجوس ثم خرج ولم يرجع والمجوس هم عبدة النار من الفرس وغيرهم من الفرس وغيرهم ممن اقتدى بهم ونحن نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وبالمجوس وبالأعاجم وعلى وجه يعني وبالأعاجم على وجه العموم ليتميز المسلمون من عن غيرهم وتكون لهم شخصيتهم المستقلة ويكون متبوعين لا تابعين قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Donc le cheikh il dit que l'imam Ahmad il a été invité dans une walima, et quand il a regardé une chaise, la chaise il y avait de l'argent dessus, était comme créé fabriqué en argent, ou bien il y avait une partie dedans qui était en argent. Quand il a vu ça, hein, il était invité pour une walima. Quand il a vu ça, il a vu que ça, c'est quelque chose qui est mauvais, hein, qu'on embellisse les chaises avec de l'argent et des choses comme ça. Il a dit, ça, c'est quelque chose que les majus font. Ça, c'est l'habitude des majus. C'est comme ça qu'ils font avec leurs meubles et leurs trucs. Ils mettent de l'argent, de l'or dessus. Quand il a vu ça, il est sorti. Il n'est pas revenu. Alors, les majus, c'est qui? C'est des adorateurs du feu. C'est des gens qui adorent le feu en Perse. Et il y a d'autres qui les suivent là-dedans. Et qui suivent leur exemple. Donc, ils adorent le feu. Donc, le cheikh, il explique que le musulman, il doit se distinguer des autres. Et le musulman, il doit avoir sa personnalité indépendante et individuelle. Hein? Ne pas imiter les autres, de chercher à ressembler aux autres ou d'imiter les autres, non. Il a sa personnalité. Il a son identité à lui. Il ne doit pas essayer d'imiter les autres. Et donc, il doit être suivi et non pas suivre les autres. Et tu vois ça dans le cheikh, il mentionne le verset 8 dans Surat al-Munafiqun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » C'est-à-dire que c'est ce qui signifie que c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager, ainsi qu'aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Il dit, وفي هذا من الفوائد أنه لا تجوز المجاملة إذا كان الأمر يتعلق بمحذور شرعي وأنه لا بد من إنكار المنكر وعدم السكوت. Donc, le cheikh il dit qu'il y a comme bienfait dans ça, qu'il n'est pas permis de faire ce qu'on appelle le mujamala, hein, d'agir avec les gens pour leur faire plaisir, de chercher à les satisfaire et à les rendre contents dans une chose qui est reliée à une interdiction de l'islam et de la révélation. Il dit donc qu'il faut condamner quelque chose qui est mauvais et il faut ne pas se taire. Donc, de nos jours, les gens, malheureusement, ils n'ont pas la fermeté qu'a démontré l'imam Ahmad dans ces questions-là ou dans ces situations-là. Tu vas aller dans un mariage, tu vas aller dans un mariage aujourd'hui dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, tu vois toutes sortes de munkarat quand tu rentres. Et les gens, ils vont et ils restent. Ils ne vont pas dire, ah bon, je vois ça, y a des, ça c'est haram. La musique, la mixité, les hommes et les femmes ensemble, toutes sortes de choses encore. Bon, moi, je reste pas, je m'en vais. Hein? C'est ça, si les gens ils faisaient ça, il n'y aurait pas de ce genre de choses dans les fêtes. Les gens, quand ils rentrent, ils voient des choses comme ça, ils disent, bon, moi, je m'en vais tout de suite, je reste pas. Et puis, il n'y aurait plus personne dans la fête. Alors, ils ne vont pas fêter tout seuls. Ils vont dire, bon, si c'est comme ça, maintenant, la prochaine fois, on va faire la fête, on ne va pas mettre ça dedans. Mais le problème, les gens, hein, ils laissent ça aller. Et ils disent, oh, c'est pas grave, finalement. Alors, finalement, c'est ça qui arrive. Tout le monde commence à le faire. Le cheikh, il dit ensuite... Donc, s'il y a quelque chose comme ça, tu dois parler, tu ne dois pas te taire. Il dit, فَالْإِمَامَ أَحْمَدُ انْصَرَفَ وَأَبْدَ السَّبَبُ فِي انْصِرَافِهِ وَهُوَ رُؤْيَتُهُ الْمُنْكَرُ فَهَذَا فِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي السُّكُوتُ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ أَلَّتِي تَحْدُثُ فِي الْحَفَلَاتِ وَقُصُورِ الْأَفْرَاحِ وَمَا أَكْثَرُهَا وَمَا أَكْثَرَهَا وإن طالب العلم بالذات ينبغي أن ينكر هذه الأشياء فإن لم تزل فالواجب عليه أن لا يجلس فيها وأن ينصرف وفي هذا سلامة لذمته ونكاية لصاحب الدعوة ولو أن الدعاة وطلبة العلم والعلماء فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس ولكن للأسف يأتون ويجاملون ويجلسون فصار الأمر عاديا. Donc c'est ça qui se passe, c'est ça que je disais. Le cheikh il dit l'imam Ahmed, hein, il est parti quand il a vu ça. Et il a mentionné la raison pourquoi il est parti. Il a expliqué que il a vu du mal, il a vu la chaise avec la décoration en argent dessus, alors il est parti. Et donc, ça veut dire que il faut pas se taire quand on voit des choses haram comme ça. Hein? C'est comme une fois, je suis parti dans un mariage, et tout était correct, mashallah, il n'y avait pas de problème. Les hommes étaient séparés, les femmes étaient séparées, et puis il y avait... Il y avait de la nourriture, tout était correct. Tout d'un coup, il y a un groupe, ils sortent un tambour là, de leur sac, et puis ils commencent à se préparer. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, on va faire, on va taper ça, le tambour comme ça là, pour faire des chants comme ça. J'ai dit, comment ça? Pourquoi vous allez faire ça? Ça c'est pas permis. J'ai dit, qu'est-ce qui a été permis, c'est de faire le dof pour les femmes, entre elles. Et pour les hommes, non. Alors là, j'ai vu qu'ils étaient tous déterminés à continuer à faire ça. Alors j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Et puis je suis parti. Et donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit, c'est ça. Il dit, il ne faut pas se taire devant ces choses-là. Et devant les choses qui se passent dans les fêtes, dans les endroits, les salles de réception où les gens font leurs invitations, où ils se réunissent. Et en particulier le talib ilm, celui qui cherche la science, s'il voit ce genre de choses mauvaises, il ne doit pas rester. Si les gens refusent de cesser, il doit s'en aller, il doit partir. Pour être lui-même en paix par rapport à sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la religion, et aussi pour donner un coup à la personne qui a fait l'invitation, hein, pour que la personne elle sache que qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle a laissé faire dans sa fête, c'est pas correct. Et donc, si les du'ats, les gens qui appellent à l'islam, les talabatul ilm, les ulama, ils agissaient de cette manière, eh bien, beaucoup de gens cesseraient hein, d'agir de cette façon. Mais malheureusement, les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, ils restent, yujamiloun, comme on dit, yujamiloun, c'est-à-dire, ils essaient de faire plaisir à la personne. Et il y en a des fois, ils veulent montrer, ils disent, bon, on va utiliser le hikmah, on va utiliser la sagesse, la douceur. Dans ces choses-là, non, il faut être ferme, il faut être clair. C'est pas de la sagesse de rester devant le munkar, tu dis rien. Il faut que tu parles, il faut que tu clarifies l'affaire. Ça, c'est pas de la sagesse. Ça, c'est peut-être, soit c'est de la lâcheté ou de la peur de dire la vérité. Donc, le cheikh, il dit, « وَلِنْكَرْ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتِ يُنْكِرُ بِيَدِهِ إِذَا كَانَ لَهُ سُلْطَةِ فإذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر بلسانه يبين ويحذر ويبلغ فإذا لم يتمكن من الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه وإذا أنكر بقلبه فإنه لا يجلس مع أهل المنكر. Donc le cheikh il a dit que il y a trois degrés dans la façon de condamner le mal quand quelqu'un fait du mal. Il y a trois degrés. Le premier degré, c'est de condamner le mal et de changer par la main. Et ça, c'est lorsque tu as l'autorité et le pouvoir. Si tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de pouvoir, tu condamnes le mal et tu le changes par la langue. C'est-à-dire que tu vas clarifier, tu vas expliquer, tu vas avertir, tu vas transmettre. Et il dit que si tu n'es pas capable de le faire par la langue, alors dans ce cas-là, tu le condamnes et tu le changes par le cœur. Et si tu l'as fait avec le cœur, dans ce cas-là, tu ne dois pas rester présent avec les gens qui sont en train de faire ce mal. Parce que si tu dis « Ana unkir bi qalbi wa anta tajlis » là, ça ne marche pas. Donc, tu condamnes avec ton cœur? Non, tu ne restes pas assis, tu t'en vas. Tu te lèves puis tu pars. « La tajlis ma'a ahlil munkar » Le cheikh, il dit « Qawluhu, idha kana fi da'wati muskir » Il dit, هذا ما يرويه ابن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد أن هذه كانت سيرته في إنكار المنكر وفعله هذا إنما فعله عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا جاء إلى اجتماع أو دعوة ورأى فيها شيئا من المنكرات لا يجلس لأنه قدوة فلو جلس لتساهل الناس واقتدوا به فكان من إنكاره أنه لا يجلس وينصرف. Donc le cheikh dit l'imam Ahmad, il mentionne les explications qui ont été rapportées à propos de l'imam Ahmad dans ces questions-là. Et il dit que yarhamukallah. Il dit, parmi les choses qui ont été rapportées par le fils de l'imam Ahmad, de son père, l'imam Ahmad, c'est que lui, quand il était invité, quelque part, quand il avait quelque chose à condamner parmi les choses qui sont haram ou les choses mauvaises, il agissait selon la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il y avait un rassemblement, une invitation quelconque, et qu'il voyait quelque chose de mal parmi les choses interdites dans l'islam, il ne restait pas assis dans cet endroit-là. Parce qu'il est un modèle, il est un exemple, les gens le prennent comme un exemple, ils le suivent. Donc, si lui, il prend ça à la légère, les gens vont le prendre comme un exemple, puis ils vont continuer à le faire eux aussi. Donc, il condamnait ce mal-là, et il ne restait pas. Il partait. Il ne restait pas. Il dit, وَقَوْلُهُ وَسَتْرَ الْجُدْرَانِ سَتْرَ الْجُدْرَانِ فِيهِ تَفْصِيلٍ إِذَا كَانَ لِلْحَاجَةِ كَانْ يَسْتُرْ طَاقَةً فِي الْجُدْرَانِ أو قوة تنفذ منها الرؤية أو تنفذ منها الرؤية أو يتأذى بها يعني يتأذى بما ينفذ منها أو ينفذ منها فإنها تستر ولا بأس في ذلك لأنها للحاجة وقد فعلته عائشة رضي الله عنها حيث سترت سهوة لها بقرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الصور ولم ينكر ستر السهوة. أما إن كان ستر الجدران من باب الرفاهية والزينة فهذا لا يجوز، وإنما هو خاص بالكعبة المشرفة، فهي التي تستر وتكسى. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne de mettre des rideaux sur les murs hein, et de couvrir les murs avec des rideaux ou des choses comme ça, il dit que ça c'est pas permis. Et donc il voyait ça, mais il dit qu'il y a un détail là-dessus. Il faut détailler là-dessus, c'est que si c'est pour cacher une fenêtre, qu'on peut voir à travers et les gens peuvent voir à l'intérieur, ou bien pour cacher quelque chose que tu veux pas voir à l'extérieur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mettre un rideau pour ça. Et Aïcha, radiallahu anha, elle avait mis un rideau, justement, dans sa maison. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a critiqué le fait qu'il y avait des images dessus. Mais il n'a pas critiqué le fait de mettre un rideau en soi. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de couvrir les murs avec un rideau dans le but de l'extravagance et de l'embellissement seulement, sans qu'il y ait de besoin... nécessité, ou qui ait de besoin pour le faire réellement, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Alaykoum salam. Juste excepté pour la Kaaba. Excepté pour la Kaaba, al-Musharrafa, c'est juste elle qu'on a le droit de couvrir hein, et d'abriller. Pardon? Est-ce que ça rentre là-dedans? Rafahiyya. Allahu a'lam. وقوله ولو تتبعنا ما في هذا الباب لو أن الشيخ أراد أن يستقصي في الكتاب والسنة من الأدلة على منع التشبه بالكفار لتضاعف حجم هذا الكتاب، وهذا يدل على وفور علمه وغزارته على وعلى تبحره رحمه الله في العلم، ودليل على مراعاة حال القارئ أيضا وحال الملتقي. فالأصل في العالم أن يرفق بطلابه، لأنه لو طال الكتاب لما قرأه إلا القليل. أما إذا كان مختصرا ومركزا فإنه يقرأه سائر الناس ويستفيدون منه. Donc, le cheikh, il explique que, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, par la suite, il dit que si on aurait voulu continuer à citer tout, qu'est-ce qui a été rapporté dans ce domaine-là, yani, ça aurait été très très long. Et Cheikh al-Fawzan, il explique, il dit que, c'est-à-dire que si Ibn Taymiyyah aurait voulu prolonger ce livre et rajouter des explications, il dit, on aurait continué à mentionner beaucoup d'autres preuves hein, à propos de l'interdiction d'imiter les Kuffar, et le livre la grosseur du livre aurait été beaucoup plus que ça. Et il dit que ça, c'est parmi les preuves qui montrent la grandeur de sa science. Et comment il en est très approfondi dans la connaissance. Et c'est également la preuve que aussi, alaykoum salam wa rahmatullah, il tenait compte de l'état du lecteur, de la personne qui lit. Et il dit à la base, Le savant, il doit être yani, sensible et doux pour ses élèves. Parce que s'il fait un livre qui est trop long et que c'est trop long à lire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en profiter, pas beaucoup de gens qui vont le lire. Donc, mais si le livre est résumé et concentré, là, beaucoup de gens vont pouvoir le lire et profiter de ce livre. Et donc, c'est pour ça que il cherchait à raccourcir et à arrêter de pas tout citer qu'est-ce qu'il y a à citer dans ce domaine-là. Donc on a complété donc la partie du livre des preuves du Coran et de la Sunna sur l'interdiction d'imiter les kuffars. Hein? Et là on est arrivé au point où il dit wa amma al-ijma' fa min wujuh. Donc là, il rentre dans l'ijma. On ne va pas commencer ce point-là aujourd'hui. On va le faire au prochain cours, Inch'Allah. Mais c'est juste pour dire que là, on a fini une section dans le livre. On a fini une section dans le livre. Au début, il a mentionné les preuves dans le Coran. On a mentionné plein de versets. Après, il a commencé à mentionner dans la Sunna les preuves. Il a mentionné plein de hadiths. Là, on vient de terminer cette section-là. Là, maintenant, il rentre dans les preuves de l'Ijma. Et là, il va mentionner maintenant beaucoup de preuves qui sont des preuves de l'Ijma. Et après, il va mentionner d'autres preuves. Parce que ça, c'est les sources de la Sharia. La Sharia, elle est basée sur quatre sources. Al-Kitab, Al-Sunna, Al-Ijma, Al-Qiyas. Ça, c'est les quatre grandes référence de la charia dans l'islam. Et donc, il va mentionner ces preuves-là. Puis après, il va parler du sujet et mentionner d'autres questions vraiment bénéfiques et intéressantes sur le tawhid et l'aqida et beaucoup de choses. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.